elle consistait à affirmer autant que faire se pouvait l'autorité de l'État sur tous les secteurs. Le secteur économique étant un secteur clé, comme vous le savez, tout en ménageant nos partenaires, nous avons nationalisé les mines de fer de Mauritanie, la Mifarma. Nous avons parlé du socialisme mauritanien. C'est vrai, un socialisme inspiré par aucun autre, en tout cas dicté par aucun autre. C'était notre conception de la justice sociale et de l'intérêt du grand nombre qui a inspiré notre politique. Nous avons, dans le cadre du Parti du peuple mauritanien, qui était un creuset d'unité et un centre de décision, mis cette politique en place. Et cette politique consistait à garder pour l'État les secteurs clés, les secteurs sensibles, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, de l'agriculture, l'élevage étant perturbé par les sécheresses épisodiques qui secouaient notre pays. Et tout cela n'était pas facile. Le point central de tout cela, ça a été le Parti du peuple mauritanien, qui, comme je l'ai dit, a été un creuset d'unité et un centre de décision important. Lorsqu'il ouvre en novembre 1979 les travaux du congrès extraordinaire du RPT, Rassemblement du peuple togolais, Niasimbe Eyadema dirige son pays depuis 7 ans déjà. Une intervention en forme de bilan.